Jouka est une actrice, je suis increvable comme une teigne. Allez-y qu'il me haïsse, mais pourvu qu'il me craigne. Les femmes c'est comme les bières, j'enchaîne des blondes, des brunes, des rousses. Je sais plus ce que j'ai fait hier, mais ce matin les flics sont à mes trousses. Puis je dog, je baisse des putes, du Panama à Bruxelles. Depuis que je suis le dog, je retire le fut des mille fées, petites pucelles. Le renouvellement, l'aurore corps est venu avec le docteur. Vas-y condamne tes anticorps, je fais du métal, je suis pas rappeur. Ton mec a des ch'tards, c'est que spermie, il est allergique. Si ta meuf rentre tard le soir, c'est parce qu'elle suce plus qu'un moustique. Le jour de la fête des pères, quand je les appelle du monde entier. Le jour de la fête des mères, je sors à ta meuf son fils congelé. J'ai attendu comme le Mossad, comme dit ma mère, j'ai l'air Mossad. Je suis sans pitié comme le Mossad, ou le marquis du Mossad. Tu vas voir les dents en or de ce barlou de Joe Star. Moi j'ai juste les crocs dehors, comme un loup butant l'ours noir. Chérie, t'as enflammé mon cœur comme une église norvégienne. Mais je suis déjà passé par ta sœur, pour ça que je dirais jamais je t'aime. Chaud comme un panzer, vous êtes sur les chars de la Gay Pride. Le jour comme Jekyll, je suis docteur, la nuit je libère Mr. Hyde. S'il y a pas de signe de vie sous terre, c'est parce que j'y suis déjà passé. S'il y a pas de signe de vie dans ta mère, c'est parce que j'ai mis un stérilet. J'ai toujours boycotté la mode, donc je suis jamais ringard. Je venge des sauropodes, c'est le raptor que je démarre. Elle voulait des sentiments, je lui ai mis des centimètres. Je lui ai dit sans les dents, elle m'a servi d'uromètre. T'as le style Calimero, faut pas toucher à ma raclée. Il est à moi son camelto, toi tu crèves dans une porcherie.